des longs évangiles, ça permet à tout le monde d'arriver. Je pense qu'on est tous là, maintenant on va pouvoir commencer. Je le fais sur le ton de la blague, hein, mais vous comprenez le message. Alors, nous continuons notre série de prédications sur vivre et mourir dans le Christ. On a débuté ce temps de carême avec une série de prédications par laquelle nous voulons redécouvrir comment dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Christ, pour reprendre une parole de Saint Paul, aux Romains. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Christ. Et on est à la quatrième étape ce soir. On a vu au premier dimanche de carême comment le mal est entré dans la création. Et par le mal, la mort a sévi dans notre réalité et continue de sévir dans la réalité du monde où nous vivons aujourd'hui. Puis le deuxième dimanche, nous avons accueilli cette vision avec Pierre, Jacques et Jean, cette vision du Christ au moment de la transfiguration, Jésus qui apparaît avec un visage resplendissant. Dieu donc qui ne dédaigne pas sa création et vient resplendir au milieu de notre univers. Et nous avons médité sur cette réalité du baptême par lequel nous sommes plongés dans la mort de Jésus et par laquelle nous recevons la vie. Nous sommes guéris de ce mal qui est entré dans le monde. Dimanche dernier, c'était le récit de la Samaritaine, cette belle rencontre de Jésus avec cette femme qui cherche la vie. Elle cherche la vie, mais elle n'a trouvé que déception sur déception et elle a soif de Jésus. Et nous avions une invitation dimanche dernier à regoûter et à retrouver le chemin de la soif dans la prière. Retrouver au milieu de ce carême non pas tant les œuvres que nous devons accomplir, mais surtout redécouvrir la soif que Dieu a de nous et lui présenter nos propres soifs. Ce soir, nous rencontrons l'aveugle né, l'aveugle de naissance sur le bord du chemin. Nous rencontrons cet aveugle qui est appelé à faire lui aussi une nouvelle expérience de vie. Il est appelé à recouvrer la vue. Et nous savons que venir à la lumière, cela suppose de passer par la vérité. Si nous retrouvons un petit peu et nous nous souvenons de cette rencontre avec la Samaritaine, Jésus a aidé cette femme à faire la vérité dans sa vie. Ton mari n'est pas le tien. D'ailleurs, il y a 5 autres hommes dans ta vie. C'est faire la vérité dans la vie sentimentale et affective souffrante de cette femme que Jésus peut ainsi, c'est en faisant cette vérité que Jésus peut ainsi venir la combler, la désaltérer. Dans l'évangile de Saint Jean, nous entendons cette parole de Jésus qui nous dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière. » Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Bien aujourd'hui, c'est autour de cet aveugle de naissance de venir à la lumière, donc de sortir des ténèbres. Autrefois, vous étiez ténèbres. Nous avons entendu cette proclamation dans la lettre aux Éphésiens. Vous étiez ténèbres. Elle est violente, cette parole. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous en enfant de lumière. Et à la fin du passage, vraiment une parole qui s'applique à cet aveugle né. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. On va entendre ces mêmes paroles dans la nuit de Pâques. On a déjà un avant-goût de Pâques qui est annoncé ce soir. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. Comment Jésus s'y est-il pris pour amener cet aveugle de naissance à la lumière? Comment a-t-il fait? Ce long récit, ça valait la peine de le lire, non seulement pour qu'on soit tous là, mais surtout pour que nous entendions combien c'est pas facile d'accueillir la lumière. Ça débat, ça discute, on est d'accord, on fait un procès, on va demander aux uns de montrer, de prouver, de témoigner, et puis à la fin on n'est encore pas convaincu. Du moins pour les pharisiens. Pour l'aveugle né, ça a été simple et en 2 étapes. Première étape, D'abord, Jésus a guéri l'aveugle-né de sa cécité, de son aveuglement. Comment il a fait ? Il a craché sur la terre. Avec cette salive mêlée à la terre, il a fait de la boue. Il a appliqué la boue sur les yeux aveugles de cet homme. Et il l'a envoyé se laver les yeux. Ce geste paraît peut-être anodin, mais c'est un geste très profond. Jésus a refait ce que son Père a fait à la création en créant l'homme, Adam. Dieu a façonné Adam de la terre. D'ailleurs, Adam, ça vient de l'hébreu Adama, qui veut dire terre. En cet aveugle, Jésus a refait une nouvelle création. Il a refaçonné ses yeux qui ne fonctionnaient pas, ses yeux qui étaient enténébrés. Un acte profond, dans le fond. Ça, c'est la première étape. Ben, il voit. Il a recouvré la vue. Mais est-ce qu'il a encore toute la lumière ? Le reste de la lumière, la lumière de la foi, on l'a entendu seulement à la fin du passage, c'est la fin de cet évangile. C'est le moment où Jésus lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et l'aveugle né qui répond « Mais qui est-il que je crois en lui ?» Et Jésus lui répond « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Alors l'aveugle entre dans cette nouvelle vision « Je crois Seigneur » et il se prosterne devant Jésus. À ce moment-là, l'ancien aveugle a trouvé la vue. Non seulement il voit de ses yeux, mais il s'est réveillé. Il s'est relevé d'entre les morts. Il a choisi Jésus. Il s'est mis réellement à la suite de Jésus et il l'a reconnu comme la source de la vraie vie, la source de la lumière. Et Jésus le dit de manière masquée dans cet évangile, « Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Il dit même dans le chapitre qui précède, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Voilà la vraie double guérison de cet homme. Pas seulement la guérison physique, mais la guérison de l'âme. Il découvre Jésus. Il découvre la lumière de sa vie. La difficulté, c'est que dans cette histoire, il y en a qui s'enfoncent dans la cécité. Et ils s'y enfoncent vraiment, les pharisiens. Et c'est pourquoi, après cette guérison, Jésus va dire cette phrase qui nous paraît un petit peu violente, mais qui en même temps vient marquer, elle vient trancher quelque chose, cette parole. « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Que ceux qui voient deviennent aveugles. Et dans ce long dialogue, ce procès qui est intenté à Jésus avant même qu'il soit condamné, il y a déjà un procès qui se manigance ici. Les pharisiens s'enfoncent dans la cécité. Ils s'enfoncent dans l'aveuglement. Ce qui est même terrible, c'est qu'ils étaient aveugles avant même de commencer à discuter avec Jésus. Ils ne connaissaient même pas l'aveugle-né. Tout le monde le connaissait, c'était un mendiant. Eux, ils ne l'avaient jamais vu. Ils ne savaient même pas d'où il était. Ils ne pouvaient pas dire s'il avait été aveugle avant. Ils sont complètement aveugles, ces pharisiens. Ils ne voient rien. Ils ne voient même pas les pauvres sur le bord du chemin. Mais ce qui est terrible, c'est qu'ils continuent. Ils continuent sur ce chemin. Je veux profiter de cette parole un petit peu abrupte au milieu de ce temps de carême pour aborder une réalité de notre société dans laquelle nous vivons. On en a déjà abordé un petit peu quelque chose parce que on veut profiter de ce temps de carême pour parler des choses vraies ou des vraies choses. On vit dans un monde qui a tendance à appeler mort ce qui est vie et vie ce qui est mort. C'est le monde des ténèbres, il mêle tout. Puis nous, on vit là-dedans. Puis une des dernières réalités qui nous blesse peut-être, pour certains particulièrement, c'est la réalité de l'aide médicale à mourir. C'est un symptôme de l'aveuglement dans lequel notre société, et donc nous, puisque nous sommes de cette société, nous vivons. un symptôme d'une société qui marche dans les ténèbres. Parce qu'en fait, c'est une loi qui ouvre à l'euthanasie. Il faut être clair, faut appeler, chez moi on dit qu'il faut appeler un chat un chat. Ben là, il faut dire ce que c'est. Suicide assisté ou aide médicale à mourir, c'est de l'euthanasie. C'est rien d'autre que ça. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'on a dû modifier le code criminel pour pouvoir faire passer ces lois. Autrement dit, on a dû dire que ce qui est un homicide n'en est plus un. On va même jusqu'à transformer les lois pour faire passer nos lois qui ne protègent plus la vie. C'est tout un mécanisme, tellement nous sommes rendus aveugles. Et qu'est-ce que l'euthanasie ? Il faut être clair aussi là-dessus. C'est un acte qui consiste à provoquer directement et intentionnellement la mort d'autrui pour mettre fin à ses souffrances. C'est quand même pour mettre fin à ses souffrances. Évidemment, on se donne comme argument, on le fait pour la dignité des gens. Et on utilise cette expression de « mourir dans la dignité ». Qui d'entre nous n'a pas envie de mourir dans la dignité ? Tout le monde veut vivre dans la dignité, et spécialement à ce moment ultime de sa vie qu'est la mort, mourir dans la dignité. Mais on utilise cette expression aujourd'hui, encore une fois, on fait passer des messages dans les mots qu'on transforme, on joue avec le vrai, le faux, le noir et le blanc, on mêle tout. Et on veut utiliser cette expression pour dire « mourir dans la dignité » pour parler de la mort provoquée. Quand je suis plus digne de vivre ou de mourir comme je suis, bien on va provoquer la mort. Si on considère que les conditions de vie d'une personne... En fait, ce qui est difficile, c'est comment on peut considérer que les conditions de vie d'une personne sont dignes ou indignes. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le critère ? Et dans ces conditions-là, on décide non pas de corriger ces conditions si elles sont indignes, mais on décide de supprimer la personne parce que les conditions sont indignes. Je trouve que c'est pas très courageux. On n'essaye pas de corriger le problème, on élimine la question. Ça, c'est le courage de l'homme dans toute sa splendeur. Comme si aussi la dignité ne dépendait que de la santé physique ou mentale d'une personne, de son autonomie, de son utilité dans la société. C'est tout ça que ça veut dire. La dignité humaine, elle se fonde sur la valeur inhérente de la personne, de toute personne humaine. Et valeur qui ne s'attache pas à ce qu'elle peut produire ou pas, ou être ou ne pas, c'est son identité. Qu'est-ce que propose l'Église pour remédier à cette aide médicale à mourir ou le suicide assisté qui sont des euthanasies ? Et pas seulement l'Église, c'est la sagesse du corps médical tout entier. C'est d'abord refuser l'acharnement thérapeutique. C'est quoi ça, l'acharnement thérapeutique ? C'est refuser d'avoir recours à des traitements disproportionnés qui seraient supposés prolonger la vie de la personne malade à un stade terminal, mais dans le fond, ça ne va pas réellement améliorer son état. Et à un moment donné, quand j'ai 95 ans et que je suis très faible et que m'on découvre en plus un cancer, il faut réellement se poser la question si on opère. Eh bien, ça revient à la liberté de la personne de décider ou non. Mais elle peut, par respect, par désir de grandir et de conserver la dignité dans laquelle elle est aujourd'hui, refuser. Et c'est sage de refuser tout acharnement thérapeutique. Un autre chemin qui est proposé, c'est celui des soins palliatifs. Aujourd'hui, seuls 20% des patients ont accès aux soins palliatifs en fin de vie. C'est très peu. C'est très peu. Et ces soins, que font-ils ? Ils aident à soulager les symptômes et la souffrance d'une personne atteinte d'une maladie entraînant la mort, à court ou à moyen terme, et à aider ses proches à traverser l'épreuve. À aider les proches aussi. Parce qu'évidemment, dans ces circonstances extrêmes, tout le monde est éprouvé. Deux moyens nous sont donnés, et peut-être pas assez connus, pour grandir et accueillir la vie jusqu'au bout, jusqu'à son extrémité. Et peut-être que cette loi-là, aujourd'hui, ne nous touche pas. mais elle vient provoquer une profonde scission dans notre société. Elle vient créer une distinction entre des personnes qui seraient dignes de vivre et d'autres qui ne le seraient plus. Je trouve ça vraiment fou. On est dans une société qui veut supprimer les distinctions. Plus de ségrégation, plus de différence, on accueille tout le monde, on ne rejette personne. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Par cette loi, on est en train de dire, il y a des gens qui sont dignes de vivre et d'autres qui sont plus dignes de vivre. Mais évidemment, c'est à eux de choisir. Sauf qu'en disant ça, qu'est-ce qu'on renvoie à la personne qui déjà, en fin de vie, sent qu'elle perd sa dignité ? Qui, donc, alors qu'il vieillit, perd ses aptitudes, ses facultés, ne peut plus se laver, doit aller aux toilettes ou être aidé par d'autres pour pouvoir faire ses besoins, pour être nourri ? Qui, dans ces conditions, se sent digne ? Pas grand monde. Et si nous, en plus, on leur dit, ben vraiment, vous n'êtes pas digne, ben vous avez le choix, hein, vous pouvez partir. Eh bien, on pose un acte de poltron qui n'aide pas celui qui est précisément, qui a besoin d'une aide, d'un acte encourageant. Et il me semble que nous-mêmes, à notre échelle, nous avons un rôle à jouer pour lutter contre cette mentalité euthanasiste, je ne sais pas comment l'appeler, cette mentalité qui se répand dans notre culture, et nous devons le faire en aimant les gens les plus fragiles. Peut-être en leur manifestant notre proximité, déjà dans nos propres familles. Allons les visiter, même s'ils sont au CHSLD, allons les visiter. Et c'est jamais facile d'aller dans un CHSLD. C'est pas le lieu où on a envie d'être, nous, aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que la personne qui arrive au bout de son existence n'y est pas bien. On ne peut pas lire ce que vit cette personne avec notre regard et notre âge et le confort que nous avons aujourd'hui. Nous devons l'accueillir dans ce qu'elle est, à l'étape où elle est rendue. La loi sur l'euthanasie, elle est faite pour des bourgeois qui sont en bonne santé. Elle n'est pas faite pour des personnes en fin de vie qui ont peur de mourir. Et si nous ne mettons pas à la place de ces personnes en fin de vie, nous ne saurons pas les aider à avoir un regard digne sur elles-mêmes, à porter un regard digne sur elles-mêmes. C'est notre regard qui les juge ou les accueille. C'est notre attitude avec elles qui va les aider à être courageuses jusqu'au bout et à accepter de ne pas se faire injecter la substance létale. C'est nous. Et ça se joue tous les jours. Dans notre manière de lutter contre une société qui veut promouvoir le profil, la belle image, la belle réalité et qui veut cacher ce qui est difficile à voir. Alors dans ce carême, frères et sœurs, nous devons reconnaître que nous vivons dans un monde qui est en lutte, où la mort exerce un certain pouvoir, mais nous reconnaissons et nous osons le dire pourquoi ? Parce que nous savons que Jésus est vainqueur des ténèbres. Nous savons que Jésus est vainqueur du mal. Nous voyons Jésus se pencher sur cet aveugle né qui était inutile, qui ne savait pas travailler, qui n'avait jamais rien fait de sa vie sinon mendier. Mais Jésus le remet complètement debout. Ben c'est ça notre espérance et c'est ça qui nous permet de regarder cette réalité en face. Demandons cette grâce d'ouvrir les yeux, que réellement nos écailles tombent. Et que nous acceptions de voir le monde comme il est, pour de vrai. Et que nous n'ayons pas peur d'aller jusqu'à l'extrémité de la vie pour découvrir quelles sont les vraies conditions d'un homme dans toute sa dignité.